Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, et oui, je critique les foules. Alors, je suis avec toi, Crowd. Je m'abuse, je danse et je te regarde pendant que je ne regarde pas la scène. Et cette semaine, c'est tout un spécial. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Parce que je ne pensais jamais y retourner, mais il ne faut jamais dire jamais. Et oui, un beau gros spécial, Il Sonic. J'avais déjà fait une critique de Crowd en 2014. Et pour cette 5e anniversaire, pour ce festival de DM, j'y retourne, pas juste une fois, deux jours. C'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup de mosh pit. Dans le fond, c'est comme d'habitude pour Critique de Crowd. Alors, beaucoup de contenu à suivre, mais, ben ouais, c'est très rock dans mes choix musicaux et ça va encore le paraître tout le long de l'émission. Mais on va surtout commencer avec une nouveauté, le Kraken qui nous revient avec un album complet, mais pour l'instant, la seule qu'on peut entendre, s'appelle Org et c'est bien heureux de l'entendre sur les ondes de CISM. sur leur prochain album qui s'appelle De paille et d'or. Vous avez entendu Orgue de Le Kraken. Bien hâte d'entendre la suite pour ce nouvel album. Et vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM en ce spécial parce que tout... ben oui, toutes les émissions sont spéciales, mais celle-là est vraiment spéciale parce que je suis retournée à Ilsonic. Hey, je me dis quand même, Crowd, même si c'est un événement bien connu à Montréal, je me suis dit que mes auditeurs bien rockeurs, peut-être, on ne sait jamais, n'avaient aucune idée c'était quoi. Alors, petit résumé de l'Ilsonic, c'est un festival de EDM, de musique, de dance qui se passait le 10 et 11 août dernier au parc Jean Drapeau, tout en rénovation. Et oui, ils fêtaient leur 5e édition. Fait qu'il y a eu, oui, des changements. Quoique, je suis retournée voir l'affiche de 2014 et il y avait déjà à l'époque 3 scènes. Alors là-dessus, on garde une continuité, peut-être des changements dans le style musical, d'être créatif plus large maintenant. C'est à suivre, c'est à suivre. Oh mon Dieu, je me fais rire tout seul en ce moment, comme tout le temps dans le fond à Critique de Crowd, mais particulièrement cette fois-ci parce que j'ai réalisé ce matin en regardant Ilsonic, tu sais, je le googlais là pour vous, chers auditeurs, et je réalisais à quel point il y avait un accent circonflexe. Il passe dans le beurre, pas à peu près l'accent circonflexe de Ilsonic. Et je suis quand même surprise, puisque c'est un festival qui peut être considéré peut-être s'adressant aux jeunes. Et les jeunes n'apprennent-ils pas la grammaire rectifiée et l'orthographe rectifiée? Je veux dire, l'accent circonflexe n'est plus nécessaire sur le « i » de « il ». Ben oui, l'accent circonflexe de « i » de « il ». Et là, je me dis que c'est vraiment pas clair à la radio « il, il ». Non, non, non, non, il n'y en avait pas là entre « il » et « elle », vraiment « l'île » comme « island ». Et hey, c'est là que c'est cute, justement. Je me suis dit, quelle belle différence entre l'anglais et le français. Il Sonic a le souci de vouloir montrer son petit côté franco en gardant son accent ou en étant un peu old school. Et en même temps, je me dis, les accents, c'est quand même cute. N'est-ce pas, rocker? Hein? Voivode, quand est-ce que perdu son tréma? Motorhead, encore des trémas. Tiesto, qui était à l'île Sonic aussi à sa première édition? Des trémas. On aime ça, les accents et la variété des accents. C'est cute. Mais reste que moi, je l'avais jamais catché avant cette année que l'île Sonic prenait un accent circonflexe. Je voulais juste vous le partager, mais je crois pas être la seule parmi la crowd à avoir fait cette erreur tout ce temps. Sur ce, ben écoute, ça n'est pas grave et ça peut d'impact sur mon appréciation crowdienne de l'événement. Par contre, il y aura eu des petites déceptions durant Ilsonic cette année puisque Steve Angelo, ben son avion était supposé avoir du retard, finalement, il n'a jamais décollé. Fac de Chainsmokers ont décidé d'allonger leur set et il y a Domino qui s'est ajouté comme ça, bien spontanément dans la programmation pour pouvoir remédier à la situation. Mais vraiment, dans la crowd, j'en ai entendu des gens qui étaient pratiquement venus expressément pour Steve Angelo. Ouais, fait que clairement, il y a eu des gens déçus et étant donné que ça s'est su le jour même, ben c'est encore plus triste. Et sinon, pour des raisons de maladie, Paul Oakenfold, il a dû aussi annuler sa prestation. Il a été remplacé par Binon. Alors, hein, il arrive plein de péripéties à Ilsonic. Je crois que ce sera jamais aussi tumultueux qu'à la toute première édition. Oui, oui, je suis obligée de l'admettre. Je crois que j'étais un peu conditionnée à une certaine image d'Ilsonic étant donné ma première visite à l'événement, la seule, et aussi à la toute première édition qui avait commencé de façon dans des circonstances particulières. Tu ne t'en rappelles pas, crowd, je suis là pour te rafraîchir ta mémoire. Fait que d'ici que je te la rafraîchis, on s'en va écouter Le Nombre avec la chanson Sur ton île. Même si j'aime du monde et que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde. Des chansons, toi. Je sais que ce n'est pas facile. Que ne bouge pas, reviens parfois. Oui, mais nous serons deux pour traverser. Puis d'abord, j'ai déjà fait mon choix. Je n'irai pas sur ton île pour m'ironiser avec toi. Pour m'ironiser avec toi. Pour m'ironiser avec toi. sur leur troisième et dernier album, Le Nombre, Ville est fantastique, et vous avez entendu Sur ton île. Mais oui, Sur ton île pour l'île Sonic. Et l'île Sonic, je vais le répéter sans arrêt durant l'émission. Mais ouais, l'île Sonic, j'y étais. Tu vois-tu comment je suis fière? Moi, je suis fière d'envie de dire que j'étais là à la première édition. Tu sais, quand... Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose de première, moi, j'étais là. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un en ce moment qui écoute ses ISM, puis qu'il y a quelqu'un dans sa famille, tu sais, un vieil oncle, qui fait comme, moi, j'étais là, à Woodstock. Tu sais, je veux dire, on aime ça, montrer qu'on était là à des moments marquants. Moi, je trouve que c'est un moment marquant, la première d'Il Sonic. Je suis peut-être toute seule à le penser, mais dans mon cœur... J'ai dit que ça avait commencé dans des circonstances particulières, Il Sonic, puisque la même année, puis c'est extrêmement malheureux, là, je tiens à le souligner, mais la même année, un festival torontois, le festival Veld, il y avait eu des décès, il y avait eu deux jeunes qui sont décédés dus à des substances de synthèse. Et bref, il y a eu 13 autres personnes qui ont été intoxiquées, fait que ça avait vraiment été une grosse crise à cette époque-là. Ouais, la gestion des drogues dans les événements EDM, fait que commencer un festival à Montréal et d'EDM, c'est sûr que c'était pas trop d'adon. Et même que la première année, il y avait eu 119 interventions de la police durant les deux jours du festival, simplement parce que la fouille était quand même à plus intensifier, étant donné les circonstances. Et non, il n'y avait pas arrivé de drame à Montréal, et ça, on peut le dire, c'est très bien. Et sur une édition qui en comptait 25 000 spectateurs, mais cette année, il était attendu 60 000. Fait que je crois pas non que ça fait mauvaise réputation de commencer dans des circonstances plutôt difficile. Ouais, mais moi, étant donné que c'est pas mon genre musical de prédilection, c'est sûr que j'allais m'aventurer dans un univers qui me paraissait un peu inhospitalier. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être dangereux. Et non, je me souviens, j'ai parlé de Tiesto tantôt, je pense qu'on est, je pense que c'est mon chum. Et déjà, il va avoir 50 ans, hein? Ça paraît pas dit de même, Tiesto, il est là depuis un bout. Et Tiesto, durant sa prestation, ben, il y a eu un petit train. Qui l'eût cru? Un petit train. C'est rigolo. C'est enfantin. C'est fantaisiste. Moi, j'ai apprécié le moment. Et en plus, étant donné que c'était la tête d'affiche, ben oui, ça clôturait bien pour moi les festivités. Et le monde de mon souvenir, oui, malgré peut-être l'ambiance et l'actualité, j'avais trouvé les gens, ouais, sociables. Ils venaient à toi. Les gens, ils venaient. Ils venaient, ils nous approchaient, ils parlaient. Hein? Tandis que, je vais être très honnête, mais j'ai pas senti ça cette année. Si tu venais pas en gang, ça pouvait être difficile. J'ai fait l'expérience. J'ai eu des moments d'Il Sonic où vraiment, tu sais, je faisais ma critique de crowd et j'étais seule et j'observais. Je prenais des notes. Et d'autres moments que je faisais juste vivre la vibe avec mes comparses de foule. Et vraiment, c'est clair que ça a une différence, comme pour tous les spectacles qu'on vit, mais la différence avec ce genre de festival-là, c'est que je réalise à quel point les gens vont pas nécessairement aller jaser vers l'autre. Peut-être que des high-fives, des coquineries parce que tu portes un costume rigolo, parce que oui, il y a des gens qui sont qui sont assez parés de façon exotique. Fait que oui, ça peut amener des commentaires comme « Hey, regarde le gars qui a un soude de construction. » Fait qu'effectivement, ça amène un rapport social. Mais au-delà de ça, ça peut être assez facile de rester avec ta clique, puis que ça soit un moment de groupe. Et dépendamment, l'énergie, la motivation, tu sais, si t'es avec des crinqués, ça change ta fin de semaine. Si t'es avec du monde plus mollo, aussi, ça influence ta fin de semaine. Mais de là à dire que j'ai vécu des moments où je me dis, ah mon Dieu, j'étais en communion avec la foule, bof. Par contre, comme j'ai dit en début d'émission, joie, joie, joie, ben oui, il y avait plein de dubstep, fait que, il y avait plein de trash puis de mosh pit. Non, ils ne sont pas identiques dans les shows punk et metal, bien évidemment, mais il va en avoir. Alors là-dessus, je pourrais pas dire qu'il y a aucune action crowdienne à part de danser. Ce serait faux, et même très, très faux. J'ai hâte de te reparler des mosh pit. Et justement, je tiens à le souligner, la musique. Moi, c'est un truc qui m'a surpris. Je suis certaine qu'à la première édition, c'était moins agressif, ou du moins, mes oreilles n'ont pas porté attention de la même manière. Mais... j'étais surprise à quel point il y avait, oui, du gros dubstep, puis qu'il y avait du techno quand même hardcore, qui pouvait rassembler autant de gens. Des fois, c'était à la grosse scène, là, pas à la petite scène un peu découverte ou un peu nichée, là. Non, là, ça... c'était vraiment pas le cas. Fait que là-dessus, je me disais, mais pourquoi les gens n'aiment pas plus... Mais peut-être qu'ils sont aussi fans de métal, mais pour moi, il y avait la même agressivité, justement. Il y a le mot hardcore, fait de hardcore, de plein de types de métal qui sont bien lourds, rapides, qui te rentrent dedans, comme fait aussi la musique électronique. Je sais pas si c'est l'espèce de, je sais pas, le clash de génération, et on dit la jeune génération aime plus l'électro. Je trouve ça super cliché comme phrase, mais honnêtement, il me semble qu'il y a beaucoup de gens comme... Je sais pas, dans nos entourages ou moi, tu sais, qui vont dire « Ah, je trouve ça agressif comme musique, tu sais, certaines formes de métal. » Puis qu'en même temps, ça attire autant de monde dans une version, ouais, électronique, si je peux dire. Ça m'a un peu dépassé. J'étais « Ah! » Mais voyons, je veux dire, ben ouais, tu vois, j'en ai pas de mots. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. Mais en même temps, dans le bon sens, j'étais comme « Ben tant mieux. » En même temps, c'est très énergique, c'est puissant. Tant mieux, moi aussi, ça vient me chercher pour un peu les mêmes raisons, mais pas pour les mêmes sonorités. Comme s'il aimait moins la distorsion. Je veux dire, j'aimais assez ça. Je suis comme, non, pourquoi vous aimez pas la distorsion? C'est ça, hein? C'est ça. Vous préférez les ordinateurs à grosse distorsion de Git. Tu vois, il n'y a pas eu assez de sociabilité pour que je puisse poser la question. Ou quand on a commencé à aborder, oh mon Dieu, à un moment donné, tu sais, justement, avec des amis, on se met à parler de musique. Et là, j'avais tellement peur de me faire démasquer. Ils disaient, ouais, qu'est-ce que t'écoutes dans la vie? J'étais comme, ben, tout sauf ce qui se passe en ce moment, là. Fait que c'est ça que... Ouais, j'ai l'impression que c'était pas le terreau le plus fertile pour communiquer, genre, ses passions musicales. C'était un peu laborieux, tu sais. Déjà, qu'est-ce que tu fais à un festival de EDM si t'en écoutes pas dans la vie? Ouais, ça, tu viens pour observer le monde? Ça peut avoir l'air dur à expliquer à des connaissances. Et là là. Hey, par contre, je tiens à souligner, il y avait beaucoup d'échantillonnages de néo-métal. Fait qu'encore une fois, je crois que c'est des ponts, ça se relie. Il y a aussi eu du Nirvana, il y a eu du Papa Roach, il y a eu du Rage Against the Machine qui a pas levé. Ça, je trouve ça révélateur, par exemple. Zéro réaction. Puis je me dis, ben voyons donc, mais il me semble que Rage Against the Machine, c'est comme le truc comme t'écoutes chez vous, t'as envie de foncer dans les murs. Fait que imagine en spectacle. Non, aucune. Ah! Il y a plein de choses que je trouve surprenantes. Autre différence aussi entre l'édition de 2014 et 2018. Je peux pas généraliser, mais je trouve quand même que les DJ étaient moins, moins tendance à lâcher leur DJ set pour aller en avant de la scène puis clapper des mains avec le public puis faire « Hey, tout le monde ensemble, on fait la vague! » Tu sais, j'avais déjà eu des cues avant d'aller au festival, comme quoi il y avait certains DJ qui le faisaient. Et c'est vrai que je me disais que pour la performance, ça pouvait être un peu particulier, comme oui, ça entertain le public, mais non, t'es pas en train de faire de la musique non plus. Enfin, je trouvais ça quand même particulier. Cette fois-ci, souvent, ceux qui le faisaient, c'était des DJ qui étaient en duo, en trio. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que ça amenait une bonne dynamique sur scène où on pouvait se dire que oui, ils continuaient à mixer en direct, mais qu'il y avait une certaine interaction avec la foule. Et non seulement je mets ça sur play, puis je m'emmène en avant de la scène pour vous dire des bonjours. Ouais, fait que là-dessus, je trouve que c'est bien, mais étant donné qu'il y a beaucoup de DJ en une journée, deux journées, bien écoute, je pourrais pas, comme je dis, généraliser et dire que c'était le cas pour tous. Alors voilà, c'est à suivre pour cette critique de crowd d'Ilsonic. Mais avant de rentrer sur le site et dans le vif du sujet, ben on va aller écouter la musique qui parle justement de première et de dernière fois, parce que peut-être que cette deuxième fois sera ma dernière fois, mais en tout cas, je pensais pas la première fois que j'y retournerai. Alors première fois, dernière fois, vois-tu la thématique, d'où les raisons qu'on va écouter Half Bake avec la chanson Vieux renard trop souvent piégé. Ça c'est pas ça le lien, c'est le titre de leur EP. La prochaine fois, le feu. Et Ultra Pterodactyle avec la chanson La dernière fois. Jamais venez d'entendre Ultra-Dérodactyle avec la chanson Dernière fois, et vous avez aussi entendu Half-Baked sur leur EP. La chanson Un vieux renard trop souvent piégé. Le EP s'appelle La prochaine fois le feu parce que, oh! À El Sonic, il y en a du feu, il y a bien du chaud de boucan, il y a des confettis, il y a bien de la magie. Ça, c'est à suivre après les publicités parce que t'écoutes Critique de Crowd jusqu'à 4 heures. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Le dimanche 16 septembre, la Ville et l'Université de Montréal vous invitent à venir voir l'avancement des travaux sur le site du Campus 1000. Pour plus d'informations, sur campus1000.umontréal.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. SiriusXM présente, en collaboration avec Québecor, la 16e édition du FME à Rouyn-Noranda. Le FME, c'est 4 jours de musique alternative au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec Carquatune, Hubert Lenoir, Random Recipe, Nakane, Milk and Bone, Holy Two, Galaxy, Fouki, Zach Zoya et plusieurs autres. Réserve ton week-end du 30 août au 2 septembre. Viens vivre l'expérience FME. Hey Gab, t'as-tu le temps pour une bière après ton cours? Ben certain, mais je t'avoue que j'aurais le goût de boire autre chose que de la bière commerciale. Je commence à être un peu tanné. Ben là, on a juste à aller au Medley Simple Malt. Le Medley Simple Malt? Ben oui, c'est le bar Simple Malt Brasseur au coin de Bellechasse et Saint-Hubert. Ils ont tous les grands classiques de bière brassés au Québec puis en fût à part de ça. Wow, là tu jases. On se rejoint là-bas après mon cours? Parfait, à tantôt! Simple Malt Brasseur, de la vraie bonne bière en vente presque partout. Cette semaine au Virage Campus 1000. Mardi Cinéma, Pride Denied, film de 2014 qui explore les concepts de fierté et d'homonationalisme, une présentation de Cinéma Politica. Mercredi Agro, 18h30, Art et Botanique, 20h30, projection du film Le Jardinier. Jeudi 5 à 7, diffusion en direct du cabaret urbain de 19h, les conférences d'Andrew McDowell et Laurie Singleton sur le design écologique. Jeudi 5 à 7, diffusion en direct du cabaret urbain de 19h, les conférences d'Andrew McDowell et Laurie Singleton sur le design écologique. Vendredi, Low Signal et Octobre en DJ set. Info, Facebook, Le Virage MTL. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Hey, oh, it's the fluffy, sexy cat, Gasparo. si ce soir tu es à la Salle Rossa, ben il y a de fortes chances que tu entendes cette chanson. C'est Solage de Barrasso. Ben ouais, c'est leur lancement d'album. Alors pour tout plein d'autres nouveautés de Barrasso, ben à soir, Salle Rossa pour le lancement de Collab. Et voilà, c'est Critique de Crowd qui aime beaucoup répéter deux fois la même information. Et comme d'habitude, ben toujours des suggestions de spectacles parce que j'ai envie que tu vois de la crowd. Puis il y en a tout plein de belles, entre autres ce soir à la Salle Rossa, mais aussi ce soir. Écoute, si t'as des goûts de rock bien moins de tous les genres, tu risques de te sentir « Ah, je sais pas quoi choisir! » En tout cas, moi, c'est mon cas parce que The Brains, Bloodshot Bill, No Bro, gratis! Ah, faut que t'ailles chercher ton billet sur Internet, par exemple. Mais bref, une grosse soirée Psycho Billy, The Brains! Au Club Soda, puis il me semble qu'il y a un after au Catacombe. Fait que va fouiller sur les internets pour cette information-là, mais je suis assez certaine que plusieurs vont passer une très belle soirée en butinant d'un lieu à l'autre sur Saint-Laurent. Vendredi, c'est Peaches! Oh mon Dieu, ça c'est sûr que j'y suis. Alors, au parc Faubourg, Peaches. Encore une fois, gratis, ça c'est le fun, c'est beau, c'est... J'ai des hâtes à demain. Samedi, ça j'ai beaucoup... j'ai beaucoup ram... Ben oui, parce qu'il y avait Elena Legend, puis quand j'ai cligné les yeux, je pense, en regardant mon écran, fait, je pensais que c'était une Elena Deland qui jouait au New City Gas, puis je trouvais ça assez exotique, merci. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais le jour que ça va arriver, je vais être vraiment heureuse. Je vais me dire que c'était une prémonition. Et sinon, samedi, ben il y a également le Déboulot Fest. Alors, si t'as envie de sortir de Montréal, mocher dans du foin, ben écoute, c'est bien l'occasion durant le Déboulot. Finalement, dimanche, Samantha Fox, encore une fois, au Parc des Faubourgs. Samantha Fox, quand même! Et sinon, si t'as envie de faire un petit 5 à 7, des plugs, ben OK, des brumes, c'est une tradition, le des plugs du dimanche. Et cette semaine, ce sera Simon Kingsbury. Lundi, de Flamin' Lips, de retour à Montréal, au MTLUS. Il y a également Godflesh à l'Astral. Et Yibnir Namir... Moi, quand c'est juste des lettres, puis que ça manque de voyelles, je sais jamais comment le prononcer. Déjà, en plein spécial Hillsonic, je suis encore en train de dire Deadmau5, s'il n'y avait pas un auditeur qui m'avait appelé pour dire que c'était Deadmau5, fait que, hein. Bref, dis-moi comment bien le prononcer et dis-moi comment est cette critique au Club Soda. Mardi, aïe, ça fait plusieurs semaines que je vous fais des suggestions de yoga quand il manque de spectacles de musique. Ah, à mon goût, que j'ai envie de vous suggérer de tout cœur. Et le yoga, pourquoi pas, ça détend et c'est très crowded, mais là, je viens de toucher de quoi, là? Parce qu'au Parc Pélican, il y a du yoga avec une crowd de moutons! Une crowd de moutons! Moi, je n'y saurais pas, mais si tu y es, rapporte-moi la critique de crowd, ça va faire vraiment plaisir de voir comment ça se passe. Et finalement, mercredi, c'est le début de Mutech. Alors, va revoir la programmation complète parce qu'il y a bien du spectacle. Sur ce, on va continuer avec les chansons du palmarès francophone de CISM. On y va tout en rap avec Cone et Fouki. Je peux perdre mon time, au milieu pocket c'est constant. Perche dans le ghetto, first stop, peu importe le stage. Dans le salon tu sors, regardez de côté, mais arrête, pose stop. J'oublie de personnage, au milieu pocket c'est qu'on se cache. Perche dans mon ghetto constant, j'en ferai pour un smash. J'ai rien d'autre pour l'instant, mais pour que je reste calme, j'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de mon espace, faut que je me perde dedans. Comme une épave au fond de l'eau, j'ai besoin de respirer, il me faut de l'air. À force de courage, moi la falardeau. J't'ai contredit, mais il fallait pas. Maintenant ton hibiscus c'est ta fleur de peau. Donne-moi la patte avant de faire le beau. Demande à Coram changer, fais le dos, c'est toi qui te fais du mal. Fuck. jamais fait de mal à personne. Yeah. Juste sur mon balcon, je vois la ville, je regarde les passants, puis je me questionne. Mon humeur change de saison. Yeah. Mais je sais que je fais ça pour moi-même, pas pour les gros pipis, les présents. Jamais fait de mal à personne. Yeah. Juste sur mon balcon, je vois la ville, je regarde les passants, puis je me questionne. Mon humeur change de saison. Yeah. Mais je sais que je fais ça pour moi-même, pas pour les gros pipis, les présents. Des gens qui rigent en écoutant mes lines, j'ai carte blanche. Même si je travaille plus, j'ai pas assez de cas pour partir en appartement. Get the fuck out of my joint. Si mon pouvoir c'est du love, il faut que je mange à ma faim. Il faut que je parvienne à mes fins. So, donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Que je fasse du gros money, j'sais pas comment ça être l'autonomie. Si j'en avais, j'en donnerais à mes fourmis. Rapper underrated, on fait des groupies. Make money, make money. Yeah, j'suis riche au Monopoly. J'fais de beat, make money. J'peux pas faire de la phonophobie. Des fois, j'ai peur de faire mauvais choix. Faut que ton avis si j'suis fier de moi. J'fais mon passé pour pas être déçu. Aucun stock, c'est une pile de reçu. Même s'il y a des gens qui rigent en écoutant mes lines, j'ai carte blanche. Même si je travaille plus, j'ai pas assez de cas pour partir en appartement. Get the fuck out of my job. Si mon pouvoir c'est du love, il faut que je mange à ma faim. Il faut que je parvienne à mes fins. So, donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. J'ai envie de rich avec mes amigos. Gagner la loto, gagner au casino. Acheter du temps quand on a avoir des kilos. Acheter une maison tout sauf un bungalow. Je peux avoir un petit hangar. Je peux pouvoir fumer les tuiles dans mon manoir. Une chaise en or pour mieux m'asseoir. Une femme de ménage qui range tous mes tiroirs. J'veux une villa, boire de la tequila. Un jardin lila, yeah. Deux échafauds, trois décapos. Six pédalos, oh. Zénitam pour voir ce que le vilain. Skip les étapes et toujours en avance. Pas s'il y a pas une chose que je peux vendre, c'est ma langue, yeah. Même s'il y a des gens qui rigent en écoutant mes lines, j'ai carte blanche. Même si je travaille plus, j'ai pas assez de cas pour partir en appartement. Get the fuck out of my job. Si mon pouvoir c'est du love, il faut que je mange à ma faim. Il faut que je parvienne à mes fins. So, donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Donne-moi du guap. Give me the money. Donne-moi du guap. Give me the money. Le PJ c'est lancé. Chers auditeurs de la marge, oui, vous avez entendu un beau bloc rap tout droit sorti du palmarès francophone de CISM que tu peux retrouver sur le site CISM893.ca, sur l'application, sur la liste Spotify, par mille et une façons. Écris-nous si tu veux découvrir la meilleure, mais je suis certaine que celle que tu utilises présentement est la plus efficace. Et voilà, vous avez entendu Fouki et Cone respectivement avec leur chanson Aquarium et Guap. Alors voilà, t'écoutes toujours Critique de Crowd et ce, ce merveilleux space Il Sonic. Ben oui, moi ça m'excite parce que les, déjà, l'ambiance est jolie, c'est coloré, les gens sont colorés et même dans le métro, c'est, je trouve que ça se sentait. À vrai dire, pour être franche, pas le métro, c'était dans Hochelag. Ah! J'étais chez nous, tu sais, bonne habitante de Schlaga. Puis il y avait comme une clique de jeunes que je trouvais colorés avec leur crop top puis leurs lunettes à l'envers. Puis j'étais comme, vous autres, vous allez à Hillsonic. Boum! Qui c'est que je revois comme 40 minutes plus tard sur le site? Oui, ma clique de Schlag. J'étais, ah, je le savais, je vous avais trouvé. Ben oui, je... Oh non, je les avais pas suivis, par exemple, on est genre vacant aux occupations juste à temps, là, de se retrouver sur le site. Parce que déjà, ce qui peut nous séparer, c'est la fouille, l'entrée sur le site qui, pour ceux qui sont allés à 67 YV Montréal, est plus proche de la sortie du métro que du site. Alors, presque en sortant du métro, là, tu accèdes justement avec ton billet à l'entrée du site. Puis là, tu marches comme d'habitude. Là, c'est vraiment le même site avec quelques scènes qui sont pas les mêmes, qui sont pas placées au même endroit. Mais voilà, je trouve que ça, c'est quand même efficace. T'as déjà comme un esprit plus de festival, comme au lieu de marcher. Tu sais, t'as comme une longue trotte. Tu sais, je me sentais déjà dans l'ambiance. Et oui, je parle de fouille. Ça a été assez rapide. Le premier jour, j'avais un sac banane. Je pense qu'à l'ouvert, à le regarder. Le deuxième, il y avait plus de monde. Puis oui, je crois que c'est la journée qui était la plus achalandée. Parce que même dans la foule, on voyait que le vendredi, des fois, il y avait un petit peu moins d'ambiance sur certaines scènes parce qu'il y avait moins de monde. Ça fait plus d'espace entre les gens. Fait que bref. Fait que oui, ça sent dès l'entrée le fait qu'il y ait plus de monde. Et ils ont pratiquement pas fouillé le monde. Honnêtement, là, ils m'ont pas demandé de, je sais pas, retourner mes poches ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Puis j'ai entendu une spectatrice derrière moi qui disait que les autres années, oui, il y avait plus de fouilles à Hillsonic, comme je vous ai parlé précédemment à la première édition, mais que c'était long. C'était extrêmement long. Ce qui fait en sorte que... Puis c'est drôle, tu sais, je veux dire, c'est une festivalière qui a le commentaire. Comme quoi, s'ils veulent vraiment fouiller les gens, peut-être que l'événement devrait engager davantage de sécurité. Sinon, c'est sûr que ça commence mal, un événement, quand tu te sens un peu impatient puis que ça peut être long. Tandis que t'arrives en début de journée puis finalement, t'as quand même un certain moment. C'est pas bête, parce que c'est sûr que... Ben ouais, je sais pas, encore une fois, c'est la réputation, c'est mes souvenirs de 2014 qui font en sorte que, ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus laborieux. C'est bien aussi de faire confiance à sa foule. Sinon, ben, le site est vraiment enchanteur quand t'arrives. Il y a des grosses fleurs blanches qui ont l'air à des gros Kleenex, mais des gros Kleenex comme sympathiques et chaleureux. Là. T'sais, t'as envie de faire un avec la fleur. T'es comme, oh! Et par la suite, il y a des bonhommes en carton ou en bois. Bref, ils sont drettes puis ils sont pas tant en droite dimension. Là. Fait que sont là, puis eux autres aussi, ils t'accueillent. Fait que ça, ils sont sympathiques. Des espèces d'installations artistiques gonflables. Il y en avait une, c'était un peu immersif, tu pourrais rentrer dedans, tu vois. Sinon, il n'y a pas de critique de crowd, parce que je me suis attardée au DJ et à la foule qui dansait, et non à celle qui s'écrapoutissait dans des installations. Ouais, très, très jolie, là, puis vraiment, c'est des longues journées, fait qu'il faut bien se reposer, mais bon, il n'y a pas tant de commentaires non plus à faire sur la crowd. Et oui, justement, question de s'asseoir confortablement, il y avait ben du gazon, du faux gazon. Gazon, devrais-je dire. Mais il y en avait quand même beaucoup. Et sinon, ben oui, quand t'arrives sur le site, ben comme j'ai dit au début, ben les gens sont colorés, les gens sont beaux. Puis c'est là, je pense que je l'avais oublié, à quel point les gens, ils venaient comme en groupe, tout habillé pareil, mais beaucoup de duos, surtout des duos féminins, qui sont habillés pareil. Fait que, ben oui, je trouve ça très coquet. Mais on dirait que ça m'a encore plus frappé quand je suis allée remplir ma gourde d'eau. Ceci est une anecdote assez banale, merci. Oui, je veux juste m'abreuvoir, là. C'est assez tranquille. Fait que je me dirige là où il y a de l'eau et je fais la file et c'est là que je spotte toutes les gens autour de moi où c'est très distinct à qui ils appartiennent comme clique, à qui ils s'identifient. Parce que là, t'as les tops tout orange, t'as les filles avec des shorts blancs, t'en as celles qui sont, mon Dieu, gris de façon encore plus, des paillettes, des plumes, de la magie, là, tu sais, je veux dire, veux-tu de l'exotisme en v'là, là? Mais c'est pas ceux qui étaient les plus extravagants qui m'ont marqué, c'est les trois filles en avant de moi qui étaient habillées pareil. Puis, bon, à date, c'est plutôt une certaine norme à l'événement. Puis, je trouvais qu'il y avait comme... pas dépassé, disons, cette espèce de uniformité, de vouloir correspondre esthétiquement à ses amis. Mais il y avait les deux filles qui étaient en camisole, deux de ce trio, quand même, faut le mentionner, qui avaient le même tatou. Il y avait le même tatou, puis il y avait leur nom. leur nom, le nom avec le même tatou. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils portent leur propre nom sur leur propre peau ou c'est la peau de leur BFF sur la peau de leur autre... Comme, t'as compris, crowd. Comme, OK, tu vois, je te déparle parce que j'étais perturbée. J'étais comme, OK, le concept va loin. Là, ils sont habillés pareil puis ils portent le même tatou. Je veux dire, elles sont vraiment dadons là, avec l'idée de faire pareil puis d'habiller pareil. Puis je trouve ça beau, je tiens à le souligner. Je trouve ça comme... Ça fait partie de l'événement, un peu comme ma critique l'année dernière du bal en blanc. Je veux dire, se préparer à l'événement est un événement en soi. Puis oui, ça accentue ton sentiment d'appréciation du spectacle puis des festivités. Là, je veux dire, ça fait un tout très global. Je trouve ça vraiment... Oui, je trouve ça le fun. Je trouve que ça rajoute un plus. C'est clair que t'as eu plus de fun que moi qui a zéro pensé à son linge. Sauf à mon sac banane. Mais là, j'avoue que ça m'a perturbée. Puis pour être très honnête, c'est parce que ça m'a rappelé un souvenir du bar le Manchester à Trois-Rivières pendant que j'étais au cégep. Et déjà une anecdote, cégepien au bar le Manchester, ça va pas bien se terminer. Oh non, oh non, oh non, je te le dis, crowd. Mais vois-tu, c'est parce que ce soir-là, au bar le Manchester, il y avait justement, j'étais en train de parler de tatouage. Je sais pas pourquoi, parce que j'en porte pas. Mais moi, j'avais dit que ça me surprenait les gens qui, tu sais, que justement, pouvaient porter certains types de tatouages. Et j'avais sous-entendu, moi, oui, des symboles chinois. Puis il avait dit, ah, je sais pas, tu sais, les symboles chinois, tu sais, déjà, quand tu sais pas le parler, c'est un peu drôle de se tatouer. Puis là, il y a une fille qui se retourne, puis elle dit, ah ouais, qu'est-ce que t'en penses des tatous avec des symboles chinois? J'en ai un sur l'omoplate qui dit fierté et ma meilleure amie, elle a amour et prospérité. Puis là, j'ai capoté, là. Je pensais jamais que quelqu'un dans ma face allait me rattraper dans la situation. Parce que moi, je suis d'accord que tu fais ce que tu veux avec ton corps. Et c'est surtout ça le point. Comme si tu trouves ça beau, tant mieux. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Mais je m'étais comme un peu trop avancée dans ma phrase. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai un peu honte. Oh mon Dieu, les deux meilleurs amis sont vraiment en train d'expliquer toute la démarche derrière cette encre. Et depuis ce temps-là, je me suis comme promis de jamais parler de tatouage en crowd. Puis là, je me dis qu'il peut y avoir beaucoup de gaffes. Fait que là, pendant ce temps-là, El Sonic, je ne pense plus à ma soif et à remplir ma gorge. Je suis en train de checker des épaules de filles que je connais pas, puis je me dis, oh my God, ils ont vraiment poussé le concept. Fin de l'anecdote. Sur ça, c'était surtout une très bonne raison, et vraiment, c'était surtout pour ça. C'était une bonne raison pour aller écouter les abdis gradationnés, c'est la chanson Tattoo. Que c'est triste de gâcher une peau si lisse. Parce qu'avec un tatou, y'a de quoi que je reste mou. Burn them! Encore lisse, de m'être fait fourrer jadis. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'y a pas de tatou. Bamba clot! Et c'est ainsi que tout ce qui sera raconté a déboulé. Une demoiselle qui m'a fait craquer, complètement explosé de la tête aux pieds. Tout s'est installé, on s'est embrassé, sur le temps social on s'est laissé aller. Je croyais devenir complètement cinglé, car tout sur mon corps était tellement bandé. Je veux pas voir un papillon, tu te dis de ton. Je veux pas voir un clown, collé sur ta nonne. Je veux pas voir un ange, posé sur tes hanches, au-dessus de tes fesses. Je veux pas voir un manifeste, un tatou sur le ciel, je me rêve. Même quand je viens de m'intéresser à tes dessins, un tatou sur le ciel, je me rêve. J'en ai des grandes giclées pour pouvoir les effacer, un tatou sur le ciel, je me rêve. C'est minable, tatou sur des petits seins, un tatou sur le ciel, je me rêve. Collé ce que c'est triste, un tatou dans le vis. Gradationist, real tapata. Burn them and done them. Real tricks, real dancehall music for my ladies tonight. Mais c'est rendu au lit et que tout a dépéri. Quand j'ai pris en levrette, je devais en tabarouette. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette marque-là? C'est aussi d'attitude que t'as tatoué là. Quand je t'enfile, je veux pas faire de bille. Au-dessus de tes fesses, je veux pas voir un manifeste. Planté dans ton cul, je m'en crie sur le bas. Ton esthétique des celtiques, des signes chinois. Quand je te fous, moi, ben, je veux avoir la paix. Quand je te rame, moi, ben, j'écoute ton tatou scam. Quand je te pile, moi, ton tatou, c'est de la morphine. Au-dessus de ton as, moi, j'écoute que ça soit classe. Un tatou, c'est le ciel, mais je te rêve. Même quand je viens de m'intéresser, c'est tes dessins. Un tatou, c'est le ciel, mais je te rêve. J'en ai des grandes giclées pour pouvoir les effacer. Un tatou, c'est le ciel, mais je te rêve. C'est minable, tatou sur des petits seins. Un tatou, c'est le ciel, mais je te rêve. Burn them up, burn them! Tabarnak! Que c'est triste de gâcher une peau si lisse. Parce qu'avec un tatou, y'a de quoi que je reste mou. Burn them! Encore lisse, de m'être fourré jadis. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'il n'y a pas de tatou. Bomba clot! Un tatou sur le ciel, ben je suis plein. Même quand je viens, ma tête résiste à tes dessins. Un tatou sur le ciel, ben je suis plein. J'en ai des grandes chiclées pour pouvoir les effacer. Un tatou sur le ciel, ben je suis plein. C'est minable, peut tatou sur des petits seins. Un tatou sur le ciel, ben je suis plein. Quand est-ce que c'est triste, un tatou tatou dans le vis. Un tatou sur le ciel, ben je suis plein. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'il n'y a pas de tatou. En colisse de mes têtes fourrées jadis. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'il n'y a pas de tatou. Ah, quel album quand même des Abdi Gradationnistes. Alors, vous avez entendu Tatou sur leur album Puissance et Gloire que je vous invite à écouter et à réécouter. Un classique. Alors, un classique de chansons douteuses et électro. Mais ouais, je sais, je rends un peu hommage à la musique électronique en ce spécial Il Sonic. Ça ne sera tardé pour les extraits. Et pour être bien franche, j'avais bien la misère comme je butinais d'une scène à l'autre. Des fois, je n'avais plus connaissance des fois des artistes. Alors peut-être que je vais compter des anecdotes puis qu'on ne sait plus exactement à quel DJ ça s'est passé. Mes excuses à tous les fans. Ou si je me trompe parce que tu étais à côté de moi puis là, tu étais comme « Oh mon Dieu, moi, je connais la version des faits et la réalité critique de Crowd. Elle arrondit les coins ronds dans ses anecdotes. » Fort, fort, fort possible cette semaine. Par contre, justement, je te parle de mon expérience très personnelle de festivalière et de critique de Crowd. Et justement, me faufiler dans la foule. Je suis devenue une experte. Je m'autoproclame professionnelle du faufilage dans la foule. Parce que voyez-vous, je crois que j'ai la politesse et la flexibilité pour me rendre jusqu'en avant sans avoir gossé trop de monde. Déjà en partant, il ne faut pas que tu sois 10 000 là, comme accompagné en faisant ça, là, sinon ça devient difficile. Il faut savoir comme savoir bien s'esquiver et dire je m'excuse. Vraiment, je trouve que c'est les qualités les deux les plus importantes. Politesse, flexibilité. Mais... Oh mon Dieu, c'était vraiment pas possible durant le Sonic. J'en revenais pas. J'étais une novice. J'étais mauvaise. Ça m'a pris beaucoup d'adaptation. Tu sais, en deux jours quand même, je me suis améliorée. Ou des fois, c'est sûr qu'entre comparses, ben, tu sais, des fois, on n'a pas besoin d'être en avant. On a juste envie de danser. Puis être pas si proche de ça, de la scène. Ça aussi, c'est un des gros points. Parce que les gens dansent un peu partout. Pas juste en avant. T'es pas nécessairement intense juste en avant. Ce qui fait en sorte que, boum, là, il y a des gens qui explosent de folie. Puis là, toi, t'essayais juste de t'avancer un peu. Fait que c'est là qu'il y a plein de coefficients de difficulté dans ta traversée de la foule. C'est quand même assez intense. Puis il y a comme pas nécessairement de logique, justement, à la foule, comme je viens de dire. Tu sais, ça peut danser, ça peut être tranquille. Il peut y avoir des trous. Des fois, il y avait des espaces complètement vides. Je me dis, voyons, que se passe-t-il? Est-ce un résidu de mosh pit? Je ne saurais le dire parce que même en restant proche, juste pour vérifier, non, des fois, il se passait juste rien. Pas vraiment d'explication. Ah là là. Par contre, avoir de la difficulté à me faufiler dans la foule, ben oui, ça me laisse le temps de mieux te regarder, Crowd. Et j'arrête pas de dire que t'étais colorée, cute, mais j'ai envie d'être un peu plus précise pour toi puisque tu n'as pas d'œil, Crowd. Tu n'as que tes oreilles et pouvoir te faire un petit descriptif. Alors, ferme les yeux et vas-y. Imagine-toi une foule remplie de gens avec des bandanas. Tu sais, avec des bandanas classiques, t'en as aussi comme c'est des masques avec des faces de tête de mort. T'en as même qui sont fabriqués avec des petites billes en plastique colorées. Ça, c'est cute. Click de Lifeguard. Ah oh, oui, ça, ils étaient nombreux. Il y a du monde qui... Oh mon Dieu, beaucoup de filles qui portaient des tétines de bébé. Et j'ai su par la suite, parce que je preuve que je m'y connais pas assez en rave et en techno, ben ouais, c'est pour pas gricher des dents quand t'as pris certaines drogues. Ou c'est par esthétique. Enfin, paraît-il que ça fait vraiment longtemps que la mode de porter des tétines en musique électronique est courante, mais moi, c'est la première fois que je le voyais. Il y avait beaucoup de chemises avec des motifs de banane, d'ananas, de léopard, du tie-dye. Il y avait des borisilles qui remontaient plus haut que ton short. Fallait qu'on le voit du début à la fin. De la paillette sur tes pommettes, sur ta barbe, toute ta barbe. Une qui forme toute une mohawk en trois couleurs différentes de paillettes. Encore des lifeguards. Un dossard de construction. Il y avait des motifs aussi de pizza. pizza avec des dinosaures. Et mention spéciale pour toi, sirène. Il y avait une sirène avec une jambe cassée, puis le plat était judicieusement caché sous ses écailles. Ça, c'est une sirène astucieuse. Et finalement, il y avait beaucoup... beaucoup plus que genre je pouvais comme me l'imaginer, de Matsevska. Mais oui, du coron noir et blanc. Je me suis dit, soit il trippe sur le Grand Prix, soit il trippe sur le Ska. Mais clairement, il trippe sur le Ska parce que ça me donne l'occasion d'en passer tout plein sur les ondes de CISM. D'où l'occasion qu'on va écouter Scarface et les Scalpés. Peut-être pas reconnu, mais je suis loin d'être un inconnu. Dans cette ville, tout le monde me salue. J'aimerais celui qui n'a rien vu. L'air méchant, épaule en arrière. Avec moi, personne n'est très fier. J'aime stresser et faire pleurer. N'attendez aucune pitié. Je suis fonctionnaire de l'État. Ça me donne tous les droits. À moi, pouvoir et corruption. Je triple les PV. Tous ceux qui ne veulent pas payer, je l'envoie les huissiers. Plus les voix, plus sont pourris. Et plus j'aligne sans répit. Le boucher ne m'a pas bacchiché. T'inquiète pas, je vais manger. Je n'aime pas les discussions. Une infraction, c'est important. Y'a des règles à respecter. Je suis là pour commander. Ça va freiner. Yeah. Et un petit bloc Ska-core avec les Scalpés. Alors, l'album Bleeding Me Dry. Et vous avez entendu la chanson Répression d'information. Non, c'est juste d'info. J'avais envie d'allonger le titre. Et sinon, écoute, c'est un album, si je me trompe pas, qui date de 99. Sex, Scooter et Rock'n'Roll de Scarface. Et oui, oui, ça vaut le jeu de mots, mais qui pas audible, contrairement aux habitudes dans le ska. Alors voilà, c'était la chanson « Ça va pruner » et vous êtes toujours en train d'écouter Critique de Crowd sur les ondes de CISM, qui te jase de l'île Sonic. Et dans cette foule qui est colorée, il n'y a pas que les gens qui sont colorés, ils apportent aussi des accessoires colorés parce que on a toujours peur de se perdre dans la foule. Fait que des petits accessoires qui volent au-dessus de nous, c'est toujours pratique. Ah oui, des ballons, mais on se croit un peu à la plage, puisqu'il y a des nouilles de piscine, des dauphins, un martien, puis une espèce de tube gonflé qui vole au-dessus de nous. Alors, c'est quand même sympathique. Je dis au-dessus de nous, il n'y en a pas 10 millions, là, mais il y en a quand même assez pour que ça soit une crowd en soi. Et en plus du dauphin, il y a un perroquet puis un crocodile. Voilà, voilà. Alors, pendant que j'admire un peu au-dessus de ma tête la foule, ben c'est Valentino Khan qui joue. C'est un DJ producteur américain qui a été connu parce qu'il a diffusé sûrement dans les premiers Skrillex. Ben coudon, je ne le connaissais pas du tout et j'ai tenté vraiment en vain de trouver la chanson qui disait Mosh Pit. Parce que voyez-vous, c'était, comme j'ai dit, la musique est quand même assez virulente, même en début de journée. J'étais impressionné par la puissance, sonore. La toune dit Mosh Pit, puis c'est quand même violent. Je suis comme, oh, il va se passer quelque chose dans la foule, assez certain. Alors, comme de fait, il a fallu que je me soulève un peu. Là. Je me suis mis sur la pointe des pieds pour essayer de trouver le Mosh Pit. J'ai fini par le trouver. Moi, encore une fois, c'était à la grande scène, puis oui, c'est tout le temps divisé là, par une clôture qui te sépare en deux la foule. Et j'en ai trouvé un qui était quand même près de moi. Un Mosh Pit, ouais, bien explosif. J'avais déjà vu Black Tiger, Sex Machine avant la prestation à Ile Sonic, alors j'étais bien au courant qu'il y avait des mosh pits dans ce genre de spectacle, où c'est un peu... c'est ça, ça sort un peu de nulle part. Encore une fois, la disposition dans la foule n'a aucun lien avec « je suis proche de la scène, je suis loin de la scène, mon intérêt est en conséquence de justement mon éloignement de la scène, là, bof! » Ce qui est drôle, par contre, c'est que ce mosh pit-là, il s'est un peu déplacé. T'sais, il a explosé quelque part, il s'est arrêté, la chanson a repoursuivi pour donner un élan pour le mosh pit, puis il s'est dirigé un peu plus vers le centre. Je pourrais pas dire que c'était pour être plus proche de la scène du tout, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'il y ait vraiment un déplacement du pit complètement. Dans la technique, je trouve que ça me rappelait une bataille de danse. Je trouve que le monde sont un peu comme « Hey, viens te battre, tu veux te battre, hey, tu sais, avec des petits coups. Est-ce que vous l'entendez quand je fais des mouvements avec ma chemise, tu sais, comme quand tu veux faire ton tof, tu te la redresses un petit peu? Enfin, tu peux toujours confirmer si mon bruitage a été efficace en écrivant sur le Facebook de Critique de Crowd, ça me fait bien plaisir. Autrement, imagine-toi aller, parce que ouais, je trouve qu'il y a une certaine forme de combat un à un. Les gens veulent provoquer, tu sais, entre les moments d'accalmie dans le pit. C'est un peu comme « Ah ouais, viens-t'en dans le pit. » Il y en a un, je te jure, il s'est mis à saigner. Là. Il a vraiment reçu un coup. Puis avant encore, cette attitude-là de « Ah ouais, remplissez le pit à ma place. » Tu sais, il y a une espèce de... Ouais, des sentiments très individuels à l'intérieur de ça, tu sais. On y va pour ça. On est très affirmé aussi dans sa démarche, dans sa posture, dans sa façon de marcher. Où on fait comme « Allez, tu viens m'affronter. » Fait que je sais pas pourquoi, mais moi, je trouve ça zéro invitable. J'aime ça quand le pit est collectif, j'aime ça quand c'est... Ouais, tu sais, quelque chose d'homogène, où on sent une harmonie, ou tu sais, des fois, tu peux avoir un combat un à un, mais là, j'avais l'impression que ça pouvait être un peu plus ça tout le temps. Une petite force centripète, ouais, tu sais, comme dans la forme d'explosion, c'est centripète, c'est centrifuge. Fait que tu peux avoir un certain moment où il y a un noyau central, mais autrement, beaucoup de combats un à un. Puis, ouais, c'est cette forme de... Je sais pas, ça sentait la testostérone pour rien. Sûrement, je me sentais pas tant invitée. Il y a une fille très courtement qui s'est invitée. Et moi, être franche, c'est la seule que j'ai vue des deux jours du festival. C'est très masculin comme pit. Puis, pour tous ceux qui sont adeptes de mocher, trasher, vous me direz qu'il y a jamais excessivement beaucoup de filles. Ouais, mais cette fois-ci, il y en a deux secondes, une. Je trouve ça quand même aussi révélateur. Ouais, de... Ouais, le côté, ça, ouais, un peu gars, un peu... oui, il y avait des serments de bras, un peu comme mon bro, là, tu sais, pas tu le consoles, là, mais t'es avec serment de main, de fierté. Ouais, je sais pas, ça doit être pour ça qu'il est pas venu me chercher, ça faisait un peu trop gaga. Moi, puis en même temps, j'adore les moshpits, ils étaient quand même beaux à regarder. Et il y avait aussi... la meilleure blague de Mosh Pit que je n'ai jamais vue de toute ma vie. La meilleure, sans contredit. C'était excellent. J'ai adoré. Mais ça, c'est le genre de blague que j'aurais vu dans un show de grindcore. Mais bon, ça s'est passé à Elson et Kess, tu veux que je te dise. La... je crois que quand j'ai vu ça, en plus, c'était le début de la journée, j'ai dit ma journée est faite. Genre, tout peut arriver. C'est magique, c'est merveilleux. Il y a quelqu'un qui a apporté, tu sais, les petites vignettes là, d'un restaurant marqué réservé. Ben, il l'a mis en plein milieu du pit. Fait qu'il y avait plus personne qui bougeait. Il était tout vide, puis il y avait la réservation. Le mosh pit était réservé. Quand je te dis qu'il y avait un aspect, tu sais, je sais pas, un peu individuel, un peu ça m'appartient, ou hey, tu veux t'affronter, je trouve que ça donnait un accent à ça, tu sais, comme il a décidé que lui, le mosh pit, y appartenait. Mais c'était tellement drôle. Ben voyons donc, voir que t'as pris le temps d'apporter une vignette réservée pour le mettre dans le mosh pit. C'est excellent. Déjà, ce qui est drôle, c'est que pas tant le monde le ramassait, fait que ça continue à trasher, puis comme par-dessus le réservé. Merveilleux. Pour de vrai, là, félicitations pour la blague. J'y aurais pas pensé, puis à me faire rire encore. Fait que c'est merveilleux. Sinon, ben, dans la foule, il y a des confettis. Oh, qu'on se fait garrocher des affaires ou que des affaires explosent, pas juste comme mosh pit, mais partout, là, comme tout le temps. Là. De la boucane sur scène, des flammes, du feu en même temps que de la boucane, des jeux d'air. Là, quand je dis de la boucane, des fois, il y en a qui sont juste de la boucane. Il y en a qui ont de la couleur. Il y a des feux d'artifice du début à la fin du festival. C'est drôle, mais au début, oui, ça va avoir des réactions parce qu'on fait « Ah, du feu! » Puis on est heureux. Puis ensuite, on a comme un sentiment d'accoutumance, crowd. Tu sais, on dirait qu'on est dur à impressionner. Déjà, c'est pas comme si on avait jamais vu ça de notre vie à un spectacle. On dit pas comme « Oh my God! » Puis on capote, là. Tu sais, on fait « Ah! » Tu sais, pour demain, il y a des petits cris quand même. Tu sais, il y a des petits « Oh! » Des « Ah! » Des « Eh! » Mais, ou des applaudissements quand c'était le gros feu d'artifice, tout le monde sont vraiment contents. Mais oui, il y a déjà un build-up en soi, tu sais, dans la mise en scène où ça va être moins intense jusqu'à très intense pour clôturer le spectacle et les festivités. Mais reste que... Ouais! Tu sais, déjà que je me dis comment on pourrait se renouveler dans les flaflas de spectacle, ben, c'est bien correct qu'il y en ait. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, on devient habitué assez vite. Hein? Les confettis. Ça reste bien des confettis. Déjà, j'espère que ça se décompose bien. Ben, tu vas me dire, avec toute la gadoue qu'il peut y avoir sur le site, quand on marche, on traîne, ça se défait déjà en soi. C'est du petit papier. Aïe, aïe, aïe, soucis écologiques. Il peut y avoir bien des réflexions qu'il peut y avoir à Hillsonic. Sur ce, pour rendre hommage à tous ces confettis qui sont tombés et qui ont disparu au gré de vent, confettis et les confettis de Minotaur sur les ondes de la marge. J'ai étouffé les branchies de ma jeunesse charbonneuse. Laissez mes souliers calcinés au pied d'un chantier endormi. Arrivé au bout du viaduc, j'ai secoué de mes cheveux. Cendre noire, le bras brisé, la poussière et les confettis. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à d'une nuit folle et d'un matin pesant de nuit. Et quand j'ai ouvert les yeux sur l'appartement en bâton, il me restait le mot cabale qui était centaine de pages morcées. Le poème affiché, le feu, la vie de promesse, il était pas pour moi. Ma jeunesse désastreuse, couché au fond d'un abribus, j'ai voulu dormir pour 20 ans. Et puisque mes chances de survie fondaient comme une neige au printemps, j'accueillais l'averse sans colère. Minotaur sur les ondes de CISM sur son album Laisse faire. Vous avez entendu la chanson Les confettis. Hey! Je te jase depuis tantôt de l'île Sonic, mais là, bien précisément, je vais te jaser de Black Tiger Sex Machine. J'espère que tu as apprécié ce court extrait de ce trio qui vient d'ici, qui est actif depuis 2011. Et j'aime bien leur esthétique, tu sais, post-apocalyptique. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que oui, avec les DJ, il y a des VJ, mais eux, autant sur scène avec leur casque, avec tout le visuel autour, les vidéos, ça correspond toujours à leur univers. Fait qu'une belle immersion. Puis avec tous les crachats de feu, ça donne encore plus l'apocalypse! Et là là, que d'immersion avec de la flamme. Alors voilà! Sacré foule. Parce que je sais pas à quel point je trouvais que le monde dansait, ou tu sais, ça rentre dedans, tu peux trasher. Oui, il y en a du moshing. Mais je trouve quand même la foule tranquille. Fait que je finis par me mettre sur le côté, sur la clôture, justement. D'habitude, je la maudis. Et je suis prête à reconnaître. C'est quand même sécuritaire de séparer une immense foule en deux. Parce que comme ça, il y a personne qui reste écrapou tout au centre. Et surtout, j'ai jamais autant réalisé qu'il fait se passer beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses à une clôture. Ou du moins, à Il Sonic. J'ai envie d'accuser Il Sonic parce que, je sais pas, il y avait comme une ambiance particulière dans la craque de clôture, là. Des mésaventures. Déjà, en partant, je réalise que le headbang est populaire. Et j'en ai vu ailleurs aussi, là, durant d'autres prestations. Mais c'est pas exactement un headbang parce que tu utilises comme très peu ton cou, comme pas du tout. C'est plus comme un balancement de tout ton corps qui va vers la clôture et qui recule. Ça peut quand même faire en sorte que la clôture va comme pogner le bord, comme bye-bye clôture, tu n'existes plus. Fait que, mais elle est quand même bien installée. Fait que ça se passe pas, mais elle brosse vraiment beaucoup. Et aussi, il y a pas de gens qui veulent faire aller leur chevelure. C'est vraiment une question de mouvement de tout le corps. Fait que je trouve ça intéressant parce que c'est identique à un headbang de métal là, en avant parce que t'es bien fan, puis tu laisses aller tes cheveux, là, c'est tout échevelé parce que t'aimes le groupe. Même chose, simplement, ça se passe comme dans tout le corps. C'est le même mouvement, mais pas que ta tête. Puis en même temps, j'ai envie d'appeler ça encore un headbang. Fait qu'essaie de comprendre la logique, mais ça l'est, c'est la même chose. Puis je les vois, puis c'est quand même assez beau comme balancier, c'est joli. Fait que je vais vers eux, et moi aussi, je headbang à leur façon. Il se passe pas des affaires à la clôture parce que je me suis dit à un moment donné, coudonc, tout le monde se connaît, parce qu'il y avait des gens qui se partaient des conversations entre les deux parties de clôture, mais pas une conversation comme bonjour, comment tu t'appelles, là, c'était comme hey, tu diras à tel qu'on s'en va à telle scène. Puis il y a eu un échange de cellulaires. Oui, les bras sont assez longs pour se rejoindre, et quand il n'était pas assez, il demandait au gars de la sécurité de comme faire le transfert. Vraiment, ça n'a pas été le cas tout le long ou à toutes les scènes, mais à ce moment-là, ouais, la sécurité était très gentille, était drôle, et ben, je dirais drôle. Elle était peut-être un peu naïve parce que à un moment donné, il y a deux gars qui voulaient traverser. Le gardien, il a dit non. Puis dès qu'il s'est retourné, oups! Ils ont sauté par-dessus la clôture, se sont rendus de l'autre côté. Puis c'est vrai que c'est pas très long. Là, je veux dire, c'est à peine un mètre. Fait que, disons, le temps de le traverser, non, je ne peux pas approuver la chose. Là, parce que si tout le monde le faisait, ça pourrait devenir un peu chaotique. Mais quand même, quand il faisait... Ça restait comme un move efficace que de faire tout le tour de la foule. Et oui, c'est bien garnement, c'est bien tannant de faire ça. Je dis tannant, mais oh mon Dieu. Chers auditeurs, si tu as le cœur sensible, fais attention. Mets tes oreilles proches de tes oreilles. Mets tes mains proches de tes oreilles parce que ça va être moins cute tantôt. Parce que, ouais, il se passe bien les affaires à clôture. Genre, je suis là, puis je trouve ça amusant, l'ambiance, puis c'est cool. Puis je vois au loin, de l'autre côté de la clôture, quelqu'un qui a l'air vraiment haut. Fait que je dis, hein, tu sais, il est pas juste sur les épaules de son ami, ils sont comme deux par-dessus l'autre, genre comme trois personnes de haut. Il était gigantesquement grand, là, c'est impossible. Fait que pendant que je regarde dans cet angle-là, je baisse la tête, puis oups, il y a quelqu'un qui est complètement en train de vomir. Mais là, je sais que c'est un peu dégueulasse de compter ça sur les ondes de la radio. Je m'excuse. Mais je faut que je vous le compte parce que, un, j'étais comme, oh mon Dieu, trop d'action, là, en même temps. Wouh! Mais c'est le vomi le plus propre que j'ai jamais vu. Sincèrement, c'est comme, c'est juste de l'eau. Fait que c'était comme pas dégueulasse, mais tu voyais que le gars était juste désespéré. Et d'où la raison, je me disais, ouais, la clôture que c'est par le monde, c'est vrai que ça peut rendre service à bien des personnes, comme vomir subtilement. Sauf moi qui le vois parce qu'il est dans ma face! Fait que. Pauvre garçon. Et c'est là que j'ai réalisé aussi que la sécurité. Non, on ne l'a pas vu parce qu'il faisait ça dans leur dos, tu sais, comme il était subtil, comme je vous ai dit. Et il donnait de l'eau, la sécu donnait de l'eau. Fait ça, j'ai trouvé ça vraiment gentil dans les circonstances. Oui, comme les gens peuvent être dans des états altérés. Il fait super chaud. Il faisait super chaud. N'importe qui pouvait sentir mal. Ben oui, il y a eu une bouteille d'eau gratuitement. Fait que cadeau, l'ami, sens-toi mieux. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis ils en ont donné plein. Et à un moment donné, là, ils ont parti deux caisses, puis ils en ont donné à tout le monde qui était sur le bord de la clôture. Fait que oui, il fallait être au bon spot. Là où je me pose la question, ben justement, je trouve ça super important que les gens soient hydratés, puis si t'es dans la foule, puis c'était un de tes bandes préférées, puis tu veux pas partir parce que tu te sens un peu déshydraté, puis même si t'arroses constamment au-dessus de toi, là, c'est pas parce que ta tête tremble que tu te sens rafraîchi du dedans. Fait que quand la loi des bouteilles d'eau en plastique va comme être appliquée, ça va-tu être appliqué au parc Jean-Drapeau? C'est nono, tu sais, on parle de Montréal, j'étais comme, est-ce qu'on pourrait esquiver le parc Jean-Drapeau? Parce que au final, ça aide des gens. Tu sais, ça a permis à certains de ne pas être déshydratés tout le long de la journée, de pouvoir comme se sentir mieux. Je veux dire, oui, il y a d'autres solutions que la bouteille d'eau en plastique, je reconnais. Mais dans des circonstances pareilles, je me disais que c'était très, très, très efficace. Alors, j'espère en ce moment que tu écoutes ces ISM et que tu files bien post-Hillsonic, parce qu'on sait jamais, ça pourrait durer très longtemps. Alors voilà, pour cet hommage à la clôture qui m'a fait vivre bien des choses. On va écouter Contre ta clôture, des Hidalgues. We'll be right back. Cette chanson de Hidalgo, Contre ta clôture, se retrouve sur leur album à poste, Dynasty. Hey! C'est la fin de Critique de Crowd en ce spécial Il Sonic. Je m'appelle Jolene Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge pour tout commentaire, question. Toi aussi, t'étais à Il Sonic. Je veux savoir comment tu l'as vécu, là, cette histoire-là. Ben, compte-moi ça sur le Facebook de Critique de Crowd. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye, Crowd. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute Les Criques à Crinquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM. Roche, papier, ciseaux, allumettes, nanchin. C'est le best game que tu pourras jamais jouer. Roche, papier, ciseaux, allumettes, nanchin. C'est le best game que tu pourras jamais jouer. Eh oui, roche, papier, ciseaux, les jeudis de 16 à 18h sur les ondes de CISM. Roche, papier, ciseaux, allumette, monsieur. Roche, papier, ciseaux, allumette, monsieur. C'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. Vous écoutez La Marge à Matane. La Marge à Repentigny. La Marge à Terrebonne. La Marge à Bois-Châtel. À Baie-Saint-Paul. Joliette. Sept-Îles. À Cadeville. À Québec. Sept-Îles. À Saint-Julien. La Marge, c'est pas juste à Montréal. Va voir ailleurs si j'y suis sur les ondes de CISM les lundis à 7h. Jazzy Jazz. Martin Destin. Destin. Tous les dimanches de 11h à midi. 89.3 CISM. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez Les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM. Attention, attention, mon nom est MC Gilles et je sévis sur la grosse radio. Oh que oui! Dès vendredi prochain, entre 7h et 9h, je serai dans ton tympan, dans tes oreilles, dans ta grosse radio! Saint-Denis, CISM 89.3 pour le meilleur du terroir, le meilleur de la musique méconnue et peut-être même tes chansons en me rejoignant au mcgilles.com. Donc vendredi, on se jase ça! On veut jouer de la musique fort! Oh que oui! Alors, nous rejoignons aujourd'hui Geneviève Lheureux qui assiste à un événement spectaculaire en direct de Cowansville. Oui, Charles, comme vous le voyez, les gens courent partout. Les bières tombent effectivement du ciel. Les gens sont en panique face à cette offre beaucoup trop grande d'alcool artisanal québécois. Oh mon Dieu, de la bière gratuite! Mais Geneviève, avez-vous une idée pour guider tous ces gens face à cette offre extraordinaire? Effectivement, c'est d'écouter les bars tendres, l'émission qui démocratise la culture des boissons alcoolisées et des bars au Québec. Merci Geneviève pour ce reportage de qualité. Ne manquez pas les bars tendres tous les vendredis à 14h30 à CISM. Vendredi le 24 août à la Sala Rosa, Orchestra Criminal lance Rio Bra, un deuxième opus qui révélera des histoires du monde interlope en yiddish, grec, pashto, russe et espagnol. Vendredi le 24 août, lancement d'album de Orchestra Criminal à la Sala Rosa. $12 en pré-vente, $15 à la porte, avec invité spécial de Vancouver, Jeff Burner, le roi du punk klezmer. Vous écoutez CISM 89.3 FM. On s'en va écouter un show de radio. Ça s'appelle Roche, papier, ciseaux. Les filles aiment les podcasts, you know. Elise, le go est trop real. Elise, le go est trop flat. Elise, le go est trop belle. Elise, le go est trop bonne. Elise, le go est trop cheap. Elise, le go est trop bien. Roche, papier. Alice Leco est trop flair. Roche, papier, ciseaux, allumette, namsin. C'est le best game que tu pourras jamais jouer. Roche, papier, ciseaux, allumette, namsin. C'est le best game que tu pourras jamais jouer. Bon jeudi 16 août 2018, vous écoutez Roche Papier Ciseaux sur les ondes de CISM La Marge. Roche Papier Ciseaux allumette, non, c'est Roche Papier Ciseaux allumette, non, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. C'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. On est allé en prolongation. On a joué pendant 2 semaines. On est allé en prolongation.